بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. Donc ceci est le quatrième cours de Taysir al-Allam, l'explication de Sharh de Umdat al-Ahkam de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, et le livre Taysir al-Allam est bien sûr le Cheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait expliqué le cinquième et le sixième hadith, qui sont tous les deux des hadiths rapportés par Abu Huraira radiallahu anhu, que bien sûr certains d'entre vous vont réciter afin de pouvoir passer à l'explication du septième hadith. Le cinquième hadith, Fadal Hassan. Anna Rasoul Allah. Anna Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qala, la yagulanna ahadukum fil ma'i da'im. الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أحسنت بارك الله فيك. Le sixième hadith, un volontaire, تفضل. قال نعم إذا شرب الكلب نعم ولمسلم نعم وله عبد الله ابن مغفل نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا ولع كلب في إناء أحدكم فليغسلوه سبعا نعم وعفروه وعفروه سان أمر أفعروه نعم وعفروه سينغار لا لا sur la chedda la يعني la fatha elle est ou la kasra est en dessous de la chedda non c'est une erreur faut la corriger وعفروه c'est un ordre du prophète صلى الله عليه وسلم نعم إذا ولغ الكلب في إناء أحدك أو في الإناء parce que dans le premier إذا شرب الكلب في إناء أحدكم dans l'autre hadith de Abdullah ibn Mughaffal إذا ولغ الكلب في الإناء نعم فاغسلوه نعم وعفروه الثامنة بالتراب أحسنت بارك الله فيك. Il ne faut pas avoir honte, même si on ne le connaît pas très bien, à la Kulihal, il faut faire l'effort d'apprendre, et le fait de le réciter devant les autres, déjà, motive, on se motive soi-même, et on motive aussi les autres. Barakallahu fikum. Tayyib, le hadith au sabi' an humrana mawla Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, annahu ra'a Uthman da'a bi wadu'in fa'afra ala yadayhi min ina'ihi fa'ghasalahuma thalatha marrat. ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. Donc le septième hadith du livre Lum'at al-I'tiqad est le hadith de Humran qui était le serviteur de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Il dit, c'est-à-dire Humran, qu'il a vu Uthman radiyallahu anhu demander à ce qu'on lui apporte un récipient dans lequel était contenue l'eau pour accomplir l'ablution. فأفرع على يديه من الإناء من إنائه ثلاث فغسلهما ثلاث مرات. عثمان رضي الله عنه a pris ce récipient et a versé de l'eau sur ses mains de ce récipient, des mains qu'il a lavées à trois reprises. Puis il a inséré sa main droite dans l'eau. Puis il a lavé sa bouche. Il a fait al-istinshaq et al-istinthar. On avait déjà vu la définition de l'istinshaq et l'istinthar. Al-istinshaq, c'est d'introduire l'eau dans les narines, et al-istinthar, c'est de l'extraire. Puis, il a lavé son visage à trois reprises, et ses mains jusqu'au coude à trois reprises. Puis, il a essuyé sa tête. Puis, il a lavé ses deux pieds à trois reprises. Puis il a dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions de la même façon que vous m'avez vu actuellement, ou de la même façon que je l'ai accompli. Et il a dit, qui a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, après avoir fait ses ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit ses ablutions comme je viens de les accomplir, puis prie deux unités de prière dans lesquelles il ne parle pas à sa propre personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés antérieurs. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ثم قال المؤلف غريب الحديث. أولا وضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. قال النووي رحمه الله: يقال الوضوء أو الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد الفعل الذي هو المصدر، وبفتح أولى أولهما إذا أريد الماء الذي يتطهر به. وأصل الوضوء من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، فسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه. Puis l'auteur parle des termes du hadith qui méritent explication. Premièrement, le terme wadou. Lorsque Uthman radiallahu anhu a demandé à ce qu'on lui apporte al-wadou. Qu'est-ce que le wadou? Avec al-fatha sur le waw. L'auteur dit: c'est l'eau avec laquelle l'on accomplit ses ablutions. Al-imam al-Nawawi rahimahullah a dit: l'on dit al-wudu et al-tuhur avec la dhamma sur le waw et sur le ta, en voulant dire l'acte, c'est-à-dire le fait de se purifier et le fait de faire ses ablutions. Et lorsqu'il y a une fatha sur le waw et sur le ta, al-wudu al-tahur, alors cela signifie l'eau avec laquelle l'on se purifie. Il y a donc une différence lorsque l'on dit al-wadu et al-wudu, et il y a une différence également entre at-tahur et at-tuhur. Lorsqu'il y a une fatha al-wadu et at-tahur, cela veut dire l'eau avec laquelle l'on va faire ses ablutions. Et lorsque l'on dit al-wudu et at-tuhur, c'est l'acte de se laver, c'est-à-dire c'est le fait de faire ses ablutions. Et la racine du terme wudu vient de al-wada'ah, Al-wada'ah, qui signifie la beauté et la purification, ou le fait d'être pur. Et al-wudu, les ablutions qui précèdent la prière, ont été appelées ainsi, car elles purifient et elles nettoient celui qui les accomplit. Saniyan fa'afraga qallaba min ma'il ina'i ala yadayh. Fa'afraga, lorsque l'on a apporté ce récipient qui contenait l'eau de l'ablution à Uthman ibn Affan, afraga ala yadayh, il a versé de l'eau, c'est-à-dire qu'il a pris l'eau du récipient, en tenant le récipient, il a versé de l'eau sur ses deux mains. ثالثا لا يحدث فيهما نفسه حديث النفس هو الوساوس والخطرات والمراد بها هنا ما كان في شؤون الدنيا يعني فلا يسترسل في ذلك وإلا فالأفكار يعتذر السلامة منها. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, et celui qui prie comme, ou celui qui fait ses ablutions comme je les ai faites, puis accomplit deux unités de prière, sans parler à sa personne. La yuhadithu fihima nafsa. Hadith ou nafs, le fait de parler à sa personne, signifie al-wasawis wal-khatarat, c'est-à-dire les insufflations et les pensées qui traversent l'esprit de la personne pendant sa prière. Et ce qui est voulu dans le fait de ne pas parler à sa propre personne, c'est-à-dire de penser à des choses qui ont rapport avec cette vie d'ici-bas. De penser à son compte bancaire, de penser au rendez-vous que tu vas avoir après la prière, de penser à tel et tel problème qui ont tous un rapport avec cette vie d'ici-bas. Il ne doit pas continuer à faire cela et combattre ses pensées en utilisant les remèdes que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Quant aux pensées en elles-mêmes, c'est-à-dire le fait de penser, cela, les personnes ne peuvent pas s'en priver et personne n'en est exempt. Donc de penser pendant sa prière, tout le monde pense pendant sa prière, mais les pensées qu'il ne faut pas avoir, ce sont celles qui te détournent du recueillement et de la concentration qui sont demandées dans la prière. Rabi'an ila al-mirfaqayn. Ila bima'na ma'a, ya'ni ma'a al-mirfaqayn. Uthman ibn Affan a lavé ses mains ila al-mirfaqayn. Et al-mirfaqayn, c'est le double de mirfaq, et le mirfaq c'est le coude, et le terme ila signifie ma'a, jusqu'à, il a lavé ses mains jusqu'au coude, c'est-à-dire avec le coude. Ila a le sens en arabe de ma'a, c'est-à-dire que les coudes doivent être inclus dans le fait de laver ses bras. Khamisan thumma لم يقصد بها هنا التراخي كما هو الأصل في معناها وإنما قصد بها مجرد الترتيب وقد أشار ابن هشام في المغني والرضي في شرح الكافية إلى أنها قد تأتي لمجرد الترتيب. سلام ترى. Cinquièmement, le terme ثم que l'on traduit en français par puis, c'est-à-dire que Uthman ibn Affan radiallahu anhu a d'abord demandé qu'on lui apporte le récipient d'eau, puis il a inséré sa main droite, puis il a lavé sa bouche et fait al-istinshaq et al-istinthar, puis il a lavé son visage à trois reprises, etc., etc. Le terme thumma, que l'on traduit par puis, en arabe, lorsqu'il est utilisé, il veut dire deux choses à la fois. Et ça, c'est son sens de base. Lorsqu'on utilise le terme « thumma », cela signifie, comme le disent les savants, « at-tartibu ma'at-tarakhi ». Qu'est-ce que « tartibu ma'at-tarakhi » ? « At-tartib », c'est un nom qui est connu, à savoir, c'est L'enchaînement, le fait de que le terme summa vient montrer un enchaînement d'événements. Il a d'abord demandé qu'on lui apporte, puis il a introduit sa main, puis il a lavé sa bouche. Ça veut dire que l'on introduit la main avant de nettoyer la bouche, puis il a fait l'istinchaq et l'istinthar, puis il a lavé son visage à trois reprises. Et le fait d'utiliser puis veut dire que l'on doit d'abord laver les mains et se laver la bouche et le nez avant de laver le visage. Donc ça, c'est le terme at-tartib. Et at-tarahi, cela signifie qu'il y a un laps de temps entre ces événements qui s'enchaînent. Comme le fait de dire, par exemple, yamutu an-nasu thumma yub'athun. Yamutu an-nasu thumma yub'athun. Les gens vont mourir, puis ils vont être ressuscités. Ici, le terme thumma, les savants disent qu'il a le sens de at-tartib et de tarahi. At-tartib, car les gens ne pourront être ressuscités que lorsqu'ils seront morts. Personne ne sera ressuscité avant de mourir. Et at-tarahi, cela veut dire qu'il y aura un laps de temps entre la mort et la résurrection. Qu'il y aura un laps de temps entre la mort et la résurrection. Donc, le sens de thumma, comme on l'a dit, il a le sens de at-tartib, de l'enchaînement avec un laps de temps. C'est-à-dire que ces enchaînements ne viennent pas les uns juste après les autres. Ça, c'est le sens de base. Mais comme l'a dit Al-Sheikh Al-Bassam, rahimahullah, il dit « Lam yuqsad biha huna tarahi » Mais ici, dans ce hadith, lorsque le rapporteur a cité « Thumma », il ne voulait pas dire par là le fait qu'il y ait un laps de temps entre ces événements, entre les différents membres qui doivent être lavés pendant les ablutions, malgré que cela ait effectivement son sens initial. Mais le thumma, dans ce hadith, doit être compris comme étant l'enchaînement uniquement. C'est-à-dire de laver la bouche, ensuite le nez, ensuite le visage, ensuite les bras, ensuite d'essuyer la tête et ensuite de laver les pieds. C'est cet ordre qu'il faut suivre et tout ceci doit se faire, ou tous ces événements doivent s'enchaîner les uns juste après les autres. Les uns juste après les autres. Et Cheikh Al-Bassam cite la parole de Ibn Hisham dans le livre Al-Mughni ainsi que Ar-Radi dans l'explication de Al-Kafiyah, dans lesquelles ces savants ont rapporté que le terme « thumma » pouvait, en langue arabe, être utilisé quelquefois pour vouloir dire l'enchaînement uniquement, sans parler du laps de temps qui sépare ces événements. Sadisan, « nahwa wudu'i » J'a'a fi ba'di al-fadhi hada al-hadith mithla wudu'i hada wa ma'na nahwa wa mithla mutafawit fa inna lafza mithla تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه وأما نحو فما تعطي معنى المثلية إلا مجازا والمجاز هنا متعين لارتباط الثواب بالمماثلة لارتباط الثواب بالمماثلة Sixièmement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam نحو وضوء هذا. Celui qui fait ses ablutions comme mes ablutions. Celui qui fait ses ablutions comme mes ablutions. Et dans une autre version du hadith, mithla. Et il y a une différence entre nahou et mithl en arabe. Nahou, on pourrait traduire par similaire. Et « mithl », on pourrait traduire par « égal » ou « de la même façon ». Et la différence entre ces deux termes, c'est que le terme « nahou » signifie « ou mithl » signifie que l'ablution doit être exactement identique à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'avis de certains savants qui ont dit que pour bénéficier du mérite dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que celui qui fait ses ablutions comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis accomplit 2 raka'at, que ses péchés antérieurs seront pardonnés. Dans la version de Mithl, c'est-à-dire qu'il faut faire exactement comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, dans la description qu'a montré Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il a lavé ses mains combien de fois? 3 fois. Et ses bras combien de fois? 3 fois. Et ses pieds combien de fois? 3 fois. Et son visage combien de fois? 3 fois. Et l'on verra dans les hadiths prochains que il y a des versions du hadith où il est autorisé de se laver 2 fois. 2 fois. Donc celui, et c'est pour cela qu'il y a la divergence des savants, les savants qui ont dit ou qui ont pris en considération la parole mithl, c'est-à-dire exactement comme les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celles qu'il venait d'accomplir, à savoir de laver 3 fois les mains, 3 fois la bouche, etc., etc. Et les autres savants ont dit non. Il y a la version nahou, nahwa wudu'i hada, c'est-à-dire qu'il fait ses ablutions à peu près comme les miennes. À peu près comme les miennes. C'est-à-dire que même si il y a une divergence dans la façon de faire, mais à partir du moment où cette façon de faire est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, que celui qui le faisait aurait lui aussi la récompense. C'est clair ou pas? C'est clair? Taïd. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإن عثمان رضي الله عنه من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية ليكون أبلغ تفهما وأتم تصورا في أذهانهم فإنه دعا بإناء فيه ماء ولئلا يلوثه لم يغمس يده فيه وإنما صب على يديه 3 مرات حتى نظفتا وبعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء وأخذ بها ماء تمضمض منه واستنشق ثم غسل واحدة ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه مع المرفقين 3 ثم مسح جميع رأسه 1 واحدة ثم غسل رجليه مع الكعبين 3 فلما فرغ رضي الله عنه من هذا التطبيق أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء الكامل أخبرهم أنه من توضأ مثل وضوئه وصلى 2 ركعتين محضرا قلبه بين يدي ربه عز وجل فيهما فإنه بفضله تعالى يجازيه على هذا الوضوء الكامل وهذه الصلاة الخالصة بغفران ما تقدم من ذنبه. Donc le sens général, comme l'a dit Cheikh Al-Bassam rahimahullah, que ce hadith immense comporte la description complète des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Uthman radiyallahu anhu, parce qu'il a très bien compris et qu'il enseigne de la meilleure des façons, a enseigné la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon concrète, afin que cela soit le mieux compris et afin que cela soit le mieux schématisé dans les esprits de chacun. Il a appelé à ce qu'on lui amène un récipient contenant de l'eau et pour ne pas salir cette eau, il n'a pas inséré sa main à l'intérieur, mais il a versé de l'eau sur ses mains 3 reprises jusqu'à les nettoyer et les purifier. Et après cela, il a inséré sa main droite dans le récipient et a pris de cette eau de l'eau pour laver sa bouche et nettoyer son nez. Puis il a lavé son visage 3 reprises. Puis il a lavé ses mains jusqu'au coude ou avec les coudes 3 reprises. Puis il a essuyé l'ensemble de sa tête 1 seule fois. Puis il a lavé ses 2 pieds avec les chevilles 3 reprises. Et lorsqu'il a terminé, radiyallahu an, lorsqu'il a terminé cette démonstration pratique, il a alors informé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions de la même façon. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé ses ablutions de cette façon complète, il a informé que celui qui aura fait les mêmes ablutions en priant par la suite deux unités de prière avec une présence du cœur qui est conscient qu'il est debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, et bien par la volonté d'Allah et par sa grâce, il récompensera ces ablutions complètes ainsi que cette prière sincère par le pardon de ce qui a été commis comme péché auparavant. C'est donc le sens général du hadith. اختلاف العلماء La divergence des savants. ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وسفيان وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب والمشهور عند الإمام أحمد الوجوب فلا يصح الوضوء بدونه وهو مذهب ابن أبي ليلى وإسحاق وغيرهما استدل الأولون على قولهم بحديث عشر من سنن المرسلين ومنها الاستنشاق والسنة غير الواجب واستدل الموجبون بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والأنف مع من الوجه والأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك وأجابوا عن دليل غير الموجبين بأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة لأن تسمية السنة لغير الواجب اصطلاح من الفقهاء المتأخرين ولهذا ورد في كثير من الأحاديث ومنها عشر من الفطرة ولا شك في صحة المذهب الأخير لقوة أدلته وعدم ما يعارضها في علمي والله أعلم. Donc la divergence des savants, premièrement, les imams Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et l'imam Soufiane al-Thawri et d'autres sont de l'avis que l'istinshaq est préférable dans les ablutions et non obligatoire. L'istinshaq qui est le fait d'insérer de l'eau dans le nez. Et l'avis répandu de l'imam Ahmed est l'obligation de celui-ci, c'est-à-dire l'obligation d'introduire de l'eau dans ses narines pendant les ablutions. Et que les ablutions ne peuvent être valides sans l'istinshaq. Et c'est l'avis également d'Ibn Abi Layla, de Ishaq et de d'autres savants. La preuve de ceux qui disent que l'istinshaq est préférable et qu'il fait partie des choses recommandées et non obligatoires des ablutions, ils utilisent pour preuve le hadith « Ashrun min sunanil mursalin » 10 choses font partie des sunnahs des envoyés. Des sunnahs des envoyés. Et ici, il y a dans le commentaire, « Awradahu ibn Hajar fi talkhis al-habir wa qala innahu lam yarid bilafz ashrun min as-sunan bal bilafz min al-fitra » que ce hadith, Al-Hafid ibn Hajar l'a cité dans son livre « Talkhis al-habir » Et il dit que le hadith n'est pas rapporté en ces termes, c'est-à-dire 10 font partie des sunan, mais qu'il a été rapporté avec le terme fitra, min al-fitra, qui est le sens inné. Donc ceux qui disent que l'istinshaq est préférable utilisent ce hadith. Ashrun font partie, 10 font partie des sunnahs des envoyés. Et la sunna, comme vous le savez, c'est quelque chose de préférable, de ne pas obligatoire. La sunna, ce n'est pas al-wujub, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et ceux qui disent que al-istinshaq est obligatoire ont pour preuve la parole d'Allah Azza wa Jal, farsilu wujuhakum, et lavez vos visages. Et le nez fait partie du visage. Et ils utilisent aussi beaucoup de hadiths authentiques qui décrivent les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à l'istinchar et a ordonné, et on le verra dans les hadiths futurs, a ordonné de faire l'istinchar. Comme le hadith « وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » et accentue dans l'istinchar, dans le fait d'introduire de l'eau dans tes narines, sauf quand tu es en état de jeûne. Car si tu insistes en état de jeûne, de l'eau risquerait de traverser ta gorge. Et ils ont répondu à la preuve de ceux qui disent que l'istinchar n'est pas obligatoire, en leur disant que le terme sunnah dans le hadith « Ashrun min sunanil mursalin » veut dire « at-tariqa », veut dire la voie, veut dire la voie. Et que ce terme sunnah n'a pas le sens de préférable. Car le terme sunnah, qui veut dire préférable, est un terme utilisé par les juristes contemporains. Bien après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là où les juristes, lorsqu'ils ont défini les différents jugements en islam, ils ont dit il y a al-wajib, al-mustahab, il y a l'obligatoire, le préféré, l'autorisé, le détestable et l'interdit. Et certains ont appelé al-mustahab al-sunnah, et d'autres, pour montrer qu'un acte est fortement recommandé, ils disent cela sunnah mu'akkada. Comme par exemple le fait de faire al-aqiqa, la majorité des savants considèrent que c'est une sunnah mu'akkada, que c'est quelque chose qu'il faut faire, qui est recommandé, mais bien plus encore, qui est fortement recommandé, sans pour autant atteindre le niveau de l'obligatoire. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants, et il y a bien sûr l'autre avis qui considère que al-aqiqa est obligatoire à condition d'en avoir les moyens. Et effectivement, le terme sunna dans les hadiths du professeur sallam veulent dire at-tariqa. Pour cela que le professeur sallam a dit faman rariba an sunnati falaysa minni. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Comment quelqu'un ne pourrait pas faire partie de ceux qui suivent la sunna du professeur sallam parce qu'ils ne font pas quelque chose de préférable? Cela n'aurait pas de sens. C'est parce que tu délaisses quelque chose d'obligatoire que le professeur Hassan se désavoue de toi. Et Cheikh Al-Bassam dit wala shakka, et il n'y a point de doute sur l'authenticité du deuxième avis, à savoir que al-istinshaq est une obligation parmi les obligations des ablutions, et qu'il dit rahimahullah, et à ma connaissance il n'y a rien qui vient contredire cela, et à ma connaissance rien ne vient contredire cet avis. وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه ولكن اختلفوا هل يجزي مسح بعضه أو لا بد من مسحه كله فذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز الاقتصار على بعضه على اختلافهم في القدر المجزئ منه وذهب مالك وأحمد إلى وجوب استيعابه كله. Et les savants de l'islam sont d'accord sur l'obligation d'essuyer la tête. Et ils sont d'accord aussi sur une chose, sur le fait que d'essuyer l'ensemble de la tête est au minimum préférable. Donc ils sont d'accord sur le fait qu'il faut essuyer la tête. Ils sont d'accord qu'au minimum d'essuyer l'ensemble de la tête est quelque chose de préférable. Et là où il y a la divergence, c'est est-ce que le fait d'essuyer une partie de la tête suffit ou non ? Al-Thawri, Al-Awza'i, Abu Hanifa et l'imam Al-Shafi'i, rahimahumullah, considèrent qu'il est autorisé d'essuyer une partie de la tête. Que d'essuyer une partie de la tête suffit. Et ils divergent sur la quantité ou la proportion à essuyer, sur la proportion minimum. Donc ils sont d'accord sur, ou c'est l'avis de ces imams, Al-Thawri, Al-Awza'i, Abu Hanif et Al-Shafi'i, ils disent que d'essuyer une partie de la tête suffit, mais ils ont une divergence entre eux sur la proportion de la tête minimum qu'il faut essuyer. Et l'imam Malik, l'imam Ahmad, eux considèrent qu'il faut essuyer la tête dans sa totalité. Il faut essuyer l'ensemble de la tête. استدل الأولون بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على أن الباء للتبعيض وبما رواه مسلم عن المغيرة بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة. La preuve de ceux qui disent qu'il suffit d'essuyer une partie de la tête est la parole d'Allah عز وجل وامسحوا برؤوسكم et essuyez vos têtes. Bi, ici, biru'usikum, ces savants ont dit qu'il a le sens de tab'id, c'est-à-dire une partie de vos têtes. Une partie de vos têtes. Et ils ont aussi une preuve rapportée par Muslim, le hadith al-Mughir ibn Shu'bah, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions, fatawadda'a famasaha binasiyatihi. Il a essuyé sur les cheveux qui dépassaient de devant sa tête et sur l'imama et sur son turban. Dans ce hadith, le prophète sallam a essuyé à la fois sur les cheveux qui n'étaient pas recouverts par le turban, et il a essuyé aussi sur le turban. Et ces savants ont dit, le prophète sallam a essuyé sur une partie de sa tête. Cela prouve que d'essuyer sur une partie de sa tête suffit pour que les ablutions soient valides. واستدل المجيبون لمسحه كله بأحاديث كثيرة كلها تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث الباب ومنها ما رواه الجماعة مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وأجابوا عن أدلة المجيبين لمسح بعضه بأن الباء لم ترد في اللغة للتبعيض وإنما معناها في الآية الإلساق أي ألسقوا المسح برؤوسكم والإلساق هو المعنى الحقيقي للباء. وقد سئل نفوطية وابن دريد عن معنى التبعيض في الباء فلم يعرفاه وقال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفون. وقال ابن القيم رحمه الله لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. Et la preuve, quelle est la preuve de ceux qui disent que non, au contraire, il faut essuyer l'ensemble de la tête, qui, comme on a vu, et l'avis de l'imam Ahmad et de l'imam Malik, rahimahum Allah. Ils disent la preuve et les nombreux hadiths qui décrivent les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et parmi ces hadiths, le hadith que l'on vient de citer, le hadith de Humran radiallahu anhu, qui décrit l'enseignement de Uthman ibn Affan des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont aussi un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, entre autres, dans lequel il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que Uthman ibn Affan, a essuyé, ou ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions, ils ont dit, et il a essuyé sa tête avec ses deux mains, فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. Il a fait un aller-retour avec ses mains au-dessus de sa tête. فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ. Il a commencé du début de sa tête. ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهِ. Et il a amené ses mains jusqu'à la fin des cheveux. Al-Qafa, c'est la limite des cheveux qu'il y a au niveau de la nuque. Et il y a un hadith sur cela, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon l'avis de certains savants, déconseille de raser Al-Qafa. de raser ces cheveux-là est déconseillé en islam. ثم ذهب بهما إلى قفاه. Donc le professeur sallam a descendu ses mains jusqu'à القفاه et il les a retournés, il les a amenés une nouvelle fois jusqu'à l'endroit duquel il a commencé, à savoir la partie avant de la tête. À l'endroit où poussent les cheveux. Et ce hadith prouve que le prophète sallam a essuyé l'ensemble de sa tête et non une seule partie. Et ils ont répondu aux preuves citées par les premiers savants qui disent que c'est cela qu'il est autorisé ou que d'essuyer une partie de la tête suffit. Ils ont dit que le terme ba ou la lettre ba n'est jamais utilisé en arabe voulant dire une partie. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit Femsahu biru'usikum, et essuyez vos têtes, bi ici, les savants qui ont répondu ont dit que le ba n'a jamais le sens de tab'id, c'est-à-dire de le sens d'une partie. Et quel est le terme qui est le plus utilisé pour le tab'id? Min. Min. Ou ba'd, na'am. Mais que le sens de « ba » ici voulait dire le fait de coller. Le fait de coller. C'est-à-dire que lorsque vous vous essuyez la tête, il faut que vos mains collent vos têtes. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles les touchent. Et il faut qu'elles les recouvrent. Et c'est le vrai sens de « al-ba » ici. Et des savants de la langue arabe comme Nafouti et Ibn Duraïd ont été questionnés sur le sens de Tab'id, ont été questionnés sur le ba, a-t-il le sens d'une partie? Ils ont dit, ils ne connaissaient pas. Falam ya'rifa, ils ne connaissaient pas ce sens. Ibn Burhan a dit, celui qui prétend que le ba signifie une partie, il a alors apporté dans la langue arabe des choses qui ne sont pas connues. Il a alors apporté ou prétendu sur les gens de la langue arabe des choses qu'ils ne connaissent pas. Et Al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, il n'y a aucun hadith authentique, pas un seul, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé une partie de sa tête uniquement. Et quant au hadith que rapporté par Muslim, le hadith de Al-Mughira, à savoir que le prophète sallam a essuyé sur sa imama et sur ce qui dépassait des cheveux. Comment répondre à ce hadith? Là, le prophète sallam avait l'imama et le minimum c'est d'essuyer sur l'imama. Et le plus est d'essuyer les cheveux qui ne sont pas recouvert par ce turban. Et il y a d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam masaha ala al-khimar. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur al-khimar. Et al-khimar, c'est un vêtement ou un tissu qui est posé sur la tête et qui recouvre la totalité de celle-ci. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur al-khimar et les savants autorisent al-mashu ala al-khimar pour les hommes comme pour les femmes qui sont voilées et par exemple qui sont dans des endroits publics dans lesquels elles ne peuvent pas se dévoiler ou ôter le voile qui couvre leurs cheveux, eh bien il leur est autorisé d'essuyer sur leur voile directement, de faire al-mashu al-khima, cela est autorisé en islam. Ma yu'khadhu min al-hadith, ce que l'on déduit du hadith. أولا مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ. Premièrement, on déduit de ce hadith le fait qu'il est légiféré de laver trois fois ses mains avant de les introduire dans l'eau des ablutions. Est-ce qu'il est autorisé d'introduire ses mains directement? Oui ou non? Oui, non, ça dépend. Naam, Hudayfa. Ahsan, cela est autorisé sauf lorsque tu te réveilles du sommeil de nuit. Lorsque tu te réveilles la nuit, le matin, pour faire tes ablutions, eh bien là, tu ne dois pas introduire tes mains dans le récipient des ablutions, mais tu dois laver tes mains à l'extérieur à 3 reprises. D'accord? Mais dans la journée, tu as le droit directement d'introduire tes mains directement dans le récipient. Sauf bien sûr, ou à condition bien sûr, que ces mains ne contiennent pas d'impureté. ثانيا التيمم في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء. Le fait d'utiliser, on en déduit aussi, le fait d'utiliser la main droite pour prendre les mains, l'eau qui va servir à nettoyer et à laver les membres de l'ablution. Car Uthman ibn Affan, lorsqu'il a lavé 3 fois ses mains en dehors du récipient, qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit sa main droite avec laquelle il a lavé sa bouche et son nez. Donc, le fait de prendre l'eau des ablutions pour faire tes ablutions, la sunna, c'est de prendre cette eau avec la main droite. ثالثا مشروعية التمضمض والاستنشاق والاستنثار على هذا الترتيب ولا خلاف في مشروعيتهما وإنما الخلاف في وجوبهما وتقدم أنه هو الصحيح. Le fait qu'il est légiféré de laver sa bouche, al-madmadah, al-istinshaq, d'introduire de l'eau dans son nez et de ressortir celle-ci. Dans cet ordre. Et il n'y a aucune divergence sur le fait que al-istinshaq et al-istinthar sont légiférés, mais la divergence, comme on l'a vu, a lieu sur l'obligation ou non de al-istinshaq et de l'istinthar, et on a vu que l'avis le plus juste était l'obligation. رابعا غسل الوجه ثلاثا وحده من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. Quatrièmement, le fait, on en déduit le fait de laver 3 fois le visage et la délimitation du visage en longueur, c'est de l'endroit où poussent les cheveux jusqu'au menton. Ceci en longueur et en largeur, c'est de l'oreille à l'oreille. De l'oreille droite à l'oreille gauche ou de l'oreille gauche à l'oreille droite. Autrement dit, ce qui est appelé chez les savants par al-bayad, ici là, l'endroit qu'il y a entre la barbe et l'oreille, qui est blanc, c'est-à-dire qui est imberbe et ne comporte pas de poils, est-ce qu'il fait partie du visage? Oui. Et l'eau doit aussi atteindre cet endroit. وكذلك يثلث في المضمض والاستنشاق لأن الأنف والفم من مسمى الوجه فالوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. Et également, on en déduit le fait de faire al-madmadah et al-istinshaq à 3 reprises. À 3 reprises, car ils font partie du visage. Et en arabe, on appelle le visage ce qui fait face à la personne. Lorsque tu es debout devant une personne, ce qui fait face à cette personne, eh bien, est appelé le visage. ما حصلت به المواجهة. خامسا غسل اليدين مع المرفقين ثلاثة. Cinquièmement, on en déduit le fait de laver les mains jusqu'au coude 3 fois. سادسا مسح جميع الرأس مرة واحدة يقبل بيديه عليه ثم يدبر بهما. Sixièmement, d'essuyer la totalité de la tête une seule fois et de faire un aller-retour avec celle-ci, avec les mains. سابعا غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثة. Septièmement, on en déduit le fait de laver les deux pieds avec les chevilles à trois reprises. Thaminan, wujub al-tartib fi dhalik لإدخال الشارع الممسوحة وهو الرأس بين المغسولات ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء. Huitièmement, on en déduit l'obligation de suivre l'ordre. L'obligation de suivre l'ordre. Et une des preuves que l'ordre doit être suivi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous ses membres des ablutions qui doivent être nettoyées et lavées, Allah azza wa jal a légiféré le fait d'essuyer la tête. D'essuyer la tête parmi des autres membres qui sont lavés. Et cela, comme le dit Cheikh al-Bassam, est une lafta. C'est comme un signe, c'est comme un... quelque chose, un fait donné et cité pour montrer et pour marquer l'ordre et son obligation. Tasi'an, inna hadhihi as-sifa hiya sifatu wudu'i an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-kamilah. Neuvièmement, on en déduit que cette description dans le hadith de Humran, la description des ablutions qu'a fait Uthman radiallahu anhu et la description des ablutions complètes du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ashiran, mashru'iyyatu s-salati ba'da al-wudu. Dixièmement, on en déduit de ce hadith qu'il est légiféré de prier deux raka'at après la prière, après les ablutions. Qu'il est légiféré d'accomplir deux raka'at après les ablutions. 11. Inna sababa tamam as-salati wa kamaliha hudur al-qalbi bayna yaday Allah ta'ala wa fihi at-targhib bil-ikhlas wa at-tahdhir min 'adam qabul as-salati mimman laha fiha bi umur ad-dunya. ومن طرأت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها يرجى له حصول هذا الثواب. Onzièmement, on en déduit que les moyens qui permettent d'accomplir une prière de façon complète et parfaite est de prier avec une présence du cœur. Et il y a dans cela un encouragement à être sincère, c'est-à-dire dans sa prière, et à ne pas prier avec de l'ostentation. Et également, ceci est une mise en garde sur l'éventualité que la prière de celui qui est distrait dans celle-ci peut ne pas être accepté lorsqu'il est distrait par des choses en rapport avec cette vie d'ici-bas. Donc celui qui est distrait, cela ne veut pas dire que sa prière est invalide, mais cela est une mise en garde, et certaines distractions peuvent amener à ce que la prière ne soit pas acceptée. Et celui qui subit ou qui est victime de ses pensées mondaine, alors qu'il est dans sa prière, il doit les repousser et les rejeter en espérant acquérir la récompense dont a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que celui qui accomplit les ablutions puis fait deux unités de prière, et bien que ses péchés seront pardonnés. Ithna ashar, fadilatu al-wudu al-kamil wa annahu sababun li ghufran al-dhunub. Les mérites de l'ablution complète et que l'ablution complète est un moyen de se faire pardonner les péchés. Thalith ashar, al-thawab al-maw'oud bihi yatarattabu ala majmou'i al-amrayn wa huma al-wudu'u ala al-nahw al-madhkour wa salatu rak'atayn ba'dahu ala al-sifati al-madhkoura wa la yatarattabu ala ahadihima faqat. إلا بدليل خارجي. وقد خص العلماء الغفران الذي هنا بصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لغفرانها من التوبة منها. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Troisièmement, l'auteur dit « La récompense espérée dont a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépend de deux choses qui doivent être accomplies, les deux. Deux choses doivent être accomplies pour pouvoir bénéficier de la récompense dont a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux choses sont de faire les ablutions comme cela a été cité dans le hadith et d'accomplir après ces ablutions deux unités de prière et également comme l'a dit le prophète, à savoir sans que la personne ne parle à elle-même, c'est-à-dire dans des choses en rapport avec cette vie d'ici-bas. Car certains pourraient comprendre que la récompense sera donné à celui qui a accompli les ablutions complètes du professeur Asselam ou bien celui qui a accompli deux raka'at après. Et comme l'a dit l'auteur, la récompense dépend de deux choses qui doivent être accomplies, à savoir les ablutions plus les prières, plus les deux raka'at. Et les savants ont précisé que l'expiation des péchés ici dans ce hadith concerne les petits péchés. Quant aux grands péchés, il faut obligatoirement, pour qu'ils soient pardonnés, il faut qu'ils soient suivis d'un repentir sincère. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna an, nukaffir ankum sayyi'atikum » Si vous vous abstenez des grands péchés dans lesquels ou les grands péchés que nous vous avons interdits, eh bien, nous vous pardonnerons vos péchés. Eh bien, nous vous pardonnerons vos péchés. On actafi bihad al-qadr wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.